peu de champagne, jeune fille. Je me sens un peu bleu. Un peu blousé dans ce bal, jeune fille. Pas vraiment joyeux. Les amis de mademoiselle sont venus voir mademoiselle. C'est mignon. C'est le cocktail. Ça discute un peu haut chez toi. Ça me fout comme un spleen. Qui c'est cette fille de dos là-bas? T'as pas de l'aspirine? Je veux pas faire de scandale, mais je viens voir mademoiselle. Pas du tout son cocktail. Si ça traîne en longueur ton truc, je vais m'en aller. Dis à tes jolis cœurs que je suis pas énervé. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur en particulier. Cigarette sur la table de nuit, tu m'as dit viens ici avant. C'est le cocktail chez mademoiselle. Mademoiselle, ah, ah, ah, y a plus personne chez mademoiselle.